Bismillah, la louange est à Allah, nous le louons, implorons son aide et lui demandons pardon, et nous nous protégeons auprès de lui du vice de nos personnes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, point d'égarement pour lui, et celui qui l'égare, point de guider pour lui. Et je témoigne qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, l'unique. Et je témoigne que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est son esclave et messager. Donc, Inch'Allah, nous allons parler de la différence entre le nom de mushrik ici-bas et le takfir. La différence entre le nom de mushrik ici-bas et le takfir. Parce que il y a des gens qui ne comprennent pas la différence entre ces deux statuts et ils tombent sur la parole de certains savants comme Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, ou bien Ibn Taymiyyah, rahimahullah, de laquelle ils comprennent que ces savants-là donnaient l'excuse de l'ignorance dans le shirk akbar. Alors qu'en réalité, ces savants ne donnaient aucune excuse de l'ignorance dans le shirk akbar. Et on va le prouver. Donc la toute première preuve que j'aimerais vous citer, et la première parole, c'est une parole de Ishaq ibn Abdurrahman rahimahullah qui a dit dans sa risala intitulée Takfir al-Muayyin. Écoutez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, au contraire, les Ahlul Fatra et ceux qui sont morts dans la Jahiliya ne sont pas considérés comme étant des musulmans à l'unanimité des savants. On ne demande pas non plus le pardon pour eux. Les savants ont seulement divergé quant à la question de leur punition dans l'au-delà. Donc on voit dans cette unanimité que nous rapporte Ishaq ibn Abdurrahman que quiconque commet le shirk, c'est un mushrik, malgré le fait qu'il fasse partie des gens qui n'ont pas accès au message. Comme c'est le cas, comme il le dit, des Ahlul Fatra, c'est des gens qui vivent à une époque de rupture entre deux messages. Ou bien des gens qui sont morts dans la Jahiliya, c'est-à-dire une époque de l'ignorance, où ils ne pouvaient pas, où la possibilité d'accéder au texte était très très mince. Donc le cheikh, il nous rapporte l'unanimité des savants. Donc les savants sont tous unanimes, que celui qui pratique le shirk, où qu'il habite, quelle que soit son époque, quelle que soit la situation, quel que soit l'endroit, et qui que ce soit, il est un mushrik qui n'a aucune excuse valable, mis à part bien sûr la contrainte, mais ce n'est pas notre sujet. Et il nous dit que la divergence, elle se situe au niveau de la punition de cette personne. Il y a des savants qui ont dit, la personne va être punie, même si elle vit à cette époque d'ignorance, et d'autres qui ont dit, non, elle ne va pas être punie. Donc, autrement dit, la divergence entre les musulmans, elle est au niveau du takfir de la personne. Parce que le takfir, il implique la punition dans l'au-delà. Quand vous dites que quelqu'un c'est un kafir, c'est parce qu'il a mécru en quelque chose. Et vous ne pouvez pas mécroire si vous n'avez pas de texte disponible dans lequel il faut mécroire. Donc le takfir, il implique automatiquement la punition. Allah il a dit, et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Ce verset est une preuve qu'Allah ne punit pas un peuple si le peuple n'a pas eu accès au texte, si le peuple n'a pas vu le message. Et écoutez ce qu'a dit Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit dans Majmu' al-Fatawa, volume 2, page 78, et la mécréance pour laquelle on est puni n'existe qu'après la transmission du message. Et la mécréance pour laquelle on est puni n'existe qu'après la transmission du message. Et c'est ça le takfir. D'accord? Et voilà pourquoi certains savants, ils n'appliquent pas le takfir sur des gens qui ont vécu à une époque d'ignorance. Mais ça ne veut pas dire parce qu'ils n'appliquent pas le takfir sur eux qu'ils les considèrent comme étant des musulmans. Écoutez maintenant cette parole que que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui l'ont pris comme une preuve que l'ignorance est une excuse pour celui qui annule le tawhid. C'est la parole, subhanallah, de Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Et déjà, la parole d'un savant, ce n'est pas une preuve. D'autant plus qu'en ce savant lui-même, il va dire tout le contraire dans une autre parole. Alors écoutez, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: nous ne jugeons pas mécréant celui qui adore l'idole qui se trouve sur la tombe d'Abdelkadir et ses semblables, à cause de son ignorance et que personne n'est venu l'avertir. Ad-Durrarasaniya, volume 1, page 104. De quoi parle Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah? De quoi il parle ici? Est-ce qu'il parle du nom de mushrik qui lui est donné ici-bas? Ou bien est-ce qu'il parle du tekfir, c'est-à-dire de la mécréance pour laquelle on est puni qu'après la transmission du message? Il parle de la mécréance pour laquelle on est puni qu'après la transmission du message. Donc là, il parle de la punition quand il parle du tekfir. C'est pour cela qu'il dit « personne n'est venu l'avertir ». Personne n'est venu l'avertir. Mais est-ce que Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, nous dit que cette personne est quand même un mouchrik? Est-ce qu'il le dit? Moi, je dis que oui, il le dit. Et la preuve, elle est dans Ad-Durrarasaniya, volume 12, page 534. Il dit: ce genre de polythéistes qui adorent les saints et les pieux, nous jugeons qu'ils sont des polythéistes, et après que la preuve leur soit établie, nous leur donnons le statut de mécréants. D'accord? Est-ce que c'est bien clair? Il est un mouchrik de toute façon, comme on a dit à l'unanimité, mais il n'est pas un mécréant, c'est-à-dire il ne va pas être puni parce que il n'a pas accès au texte. Et Allah ne punit pas un peuple avant de lui envoyer un messager. Donc le tekfir et la punition ne concernent que celui à qui la preuve a été établie. Comme je l'ai dit, Allah ne punit pas un peuple avant de lui envoyer un messager. Et la personne ne peut être mécréante si elle n'a pas reçu le message. Car le mécréant, c'est celui qui mécroit au texte. Et il est impossible de mécroire un texte alors que le texte il n'est pas là. Vous n'avez même pas de texte, comment vous voulez y mécroire? C'est de ça que parlent les savants, comme Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah et Ibn Taymiyyah. Maintenant, comment se fait l'établissement de la preuve? Ça aussi c'est un sujet qui est important. À partir de quand nous disons d'une personne qu'il est tout de même un mécréant, qu'il est un mushrik kafir? Un mushrik kafir. Eh bien, il faut deux conditions. Il faut que la personne, elle reçoive le texte. Ou bien qu'elle ait accès au texte. Même si elle n'arrive pas à se le procurer. Écoutez les preuves dans le livre d'Allah. Allah a dit: en tant que messager, annonciateur et avertisseur, afin qu'après la venue des messagers, afin qu'après la venue des messagers, il n'y eût pour les gens point d'argument devant Allah. Allah est puissant et sage. Allah, il a dit aussi, dit, qui a-t-il de plus grand en fait de témoignage? Dit, Allah est témoin entre moi et vous. Et ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par sa voix, vous et tous ceux qui l'atteindra. Vous et tous ceux qui l'atteindra. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a dit, car la preuve, elle est arrivée lors de l'envoi du messager, lors de la réception du livre et de la possibilité d'accès à la preuve. Ça, c'est très très important, de la possibilité d'accès à la preuve. Qu'il sache ou qu'il soit ignorant, nous dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Et il continue en disant, quiconque est en mesure de connaître les obligations et les interdictions est considéré comme quelqu'un ayant reçu la preuve. Allah ne châtie une personne qu'après qu'elle reçoive la preuve. Donc si vous voulez plus de détails à propos de l'établissement de la preuve ainsi que de l'excuse de l'ignorance, eh bien allez dans Tariq al-Hijratain d'Ibn al-Qayyim rahimahullah et vous aurez plus de détails en ce qui concerne ce sujet-là. Maintenant, je vais passer à une autre parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, qui justement a parlé de ceux qui sont morts sur une autre religion que l'islam, alors qu'il n'y a aucun messager qui est venu les voir, ou qui est venu à eux. Ibn al-Qayyim, il nous dit dans les Ahkam des gens du livre, volume 2, page 111, il dit: Cela ne sont ni jugés ni mécréants ni croyants. En effet, la mécréance consiste à rejeter ce qu'a apporté le messager. Et donc sa condition d'existence réside dans la transmission du message. Et plus loin, il dit: si quelqu'un dit, vous leur donnez pourtant le statut de mécréant dans ce bas monde, et en ce qui concerne l'héritage, l'alliance et le mariage, on répondra alors que nous leur donnons ce statut en ce qui concerne ce bas monde, mais pas en ce qui concerne la rétribution dans l'au-delà, comme récompense au châtiment. Et il dit, écoutez bien ça, on peut répondre sous un autre aspect, ils sont mécréants, mais leur châtiment disparaît vu que sa condition est absente, à savoir l'établissement de la preuve. Le châtiment disparaît vu que sa condition est absente, à savoir l'établissement de la preuve. Donc quand les savants parlent et ils disent, nous ne rendons pas un mécréant un tel, ils parlent du châtiment. Et ils ne disent pas que l'ignorance est une excuse dans l'annulation du tawhid. Ibn Taymiyyah, il a dit aussi, rahimahullah, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh à tous ceux qui viennent d'arriver. Et bienvenue à vous. Je continue avec une parole d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui a dit, il explique que Allah il a établi une différence entre avant et après le message de l'islam, entre les noms et les statuts. Et après, il cite un verset dans lequel Allah il a dit à Moussa, va donc chez Pharaon car il s'est rebellé. Lorsque ton Seigneur appela Moussa et il lui dit, va donc chez ce peuple injuste, le peuple de Pharaon, ne craint-il pas? Et il dit, le Cheikh al-Islam, Allah nous a informé ici que Pharaon était injuste, rebelle et corrupteur, et ces noms-là blâment ses actes. Or le blâme ne peut être que contre des actes mauvais et répugnants. Ceci nous indique que les actes sont mauvais et blâmables, même lorsque aucun messager n'est encore venu. Et écoutez qu'est-ce qu'il dit plus loin. Il cite un verset concernant le peuple de Houd qui a dit à son peuple, adorez Allah, vous n'avez de divinité que lui, vous n'êtes que des diffamateurs. Écoutez qu'est-ce qu'il dit, Cheikh al-Islam. Il dit, Allah les déclara diffamateurs alors qu'il ne leur avait pas encore ordonné de loi à laquelle s'opposer. Mais il les déclara diffamateurs car ils croyaient en d'autres divinités qu'Allah. Et il dit, le nom de Mouchrik est affirmé même lorsque aucun message n'est encore parvenu, car ils donnent des égaux à Allah, bien qu'aucun prophète ne lui soit parvenu. Majmou al-Fatawa, volume 20, page 19. Il y a d'autres paroles, subhanallah. Je vais en citer une de Hamed ibn Nasir, dans Adura Rassaniya, volume 10, page 136 à 137. Écoutez. Il dit, lorsque quelqu'un commet de la mécréance ou du shirk par ignorance, sans personne pour l'en prévenir, il dit, nous ne lui donnons pas le statut de mécréant tant que la preuve ne lui a pas été établie. Qu'est-ce que ça veut dire quand il dit, nous ne lui donnons pas le statut de mécréant? On a dit avant, il parle du châtiment, parce qu'il n'y a personne qui est venu le prévenir. Mais écoutez, qu'est-ce qu'il dit? Il dit encore, cependant, nous ne lui donnons pas non plus le statut de musulman, mais nous affirmons que ses agissements sont une mécréance désacralisant le sang et les biens. Voilà. Il confirme qu'on ne l'appelle pas musulman, même si on ne dit pas qu'il est mécréant. Mais il y a unanimité qu'il est un mouchrik. C'est pour cela qu'à chaque fois que vous voyez qu'un savant, il dit qu'il n'applique pas le tekfir sur quelqu'un qui pratique le shirk, cela ne veut pas dire que ce savant, il voit l'excuse de l'ignorance dans l'annulation du tawhid. Mais cela veut dire qu'il ne lui confirme pas la punition dans l'au-delà. parce qu'il se peut que cette personne n'avait pas accès au texte selon ce savant-là. Allah a dit, écoutez, ce verset, il est très clair là-dessus. Et si l'un des polythéistes demande asile, accorde-le-lui afin qu'il entende la parole d'Allah. Regardez, il n'a même pas entendu la parole d'Allah. Puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité, car ce sont des gens qui ne savent pas. Ce sont des gens qui ne savent pas. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit dans Majmu' al-Fatawa, volume 14, page 282, c'est pour cela que quiconque adore, n'adore pas uniquement Allah. Quiconque n'adore pas uniquement Allah, c'est qu'il adore forcément un autre que lui. Il est donc un mushrik. Il n'y a pas trois catégories de gens. Soit il est monothéiste, soit il est polythéiste, nous dit Ibn Taymiyyah. Et écoutez qu'est-ce qu'il dit d'autre dans Majmu' al-Fatawa, volume 7, page 325. Ignorer le tawhid est une mécréance dans tous les cas, que ce soit avant ou après l'information. Majmu' al-Fatawa, volume 7, page 325. Maintenant, on va entrer dans la divergence. On va entrer dans la divergence et voir qu'est-ce qui se passe exactement. Il y a un hadith qui a été rapporté par l'imam Ahmed dans son Mousnad. Et ce hadith est un argument pour les savants qui argumentent que la personne sera testée si elle a vécu à une époque de rupture. Donc, c'est un hadith dans lequel il est dit qu'il va y avoir quatre catégories de personnes. Un homme qui est sourd, un homme qui est bête, un homme qui est fou et un homme qui est mort à une époque de rupture. Le sourd, quand il va venir, il va dire à Allah, il va lui dire « Ô Seigneur, l'islam est venu, mais je n'entendais rien. » Et le fou, il va dire « Ô Seigneur, l'islam est venu, alors que les enfants me jetaient des excréments. » Celui qui est bête, il va dire « Ô Seigneur, l'islam est venu, mais je ne comprenais rien. » Et celui qui est mort dans une époque de la rupture, il dira « Ô Seigneur, aucun messager ne m'est venu de ta part. » Alors, Allah, il va prendre leur engagement. Il va leur envoyer un messager qui va leur dire « Entrez dans le feu. » Subhanallah. Il va leur envoyer un messager qui va leur dire « Entrez dans le feu. » Puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Par celui qui détient l'âme de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa main, s'ils obéissent et entrent dans le feu, ce dernier sera pour eux fraîcheur et douceur. » Imaginez l'épreuve, subhanallah. Nous, il y a des choses qu'Allah il nous demande ici-bas, on ne les fait pas. Ne vous dites pas, c'est facile, je n'ai qu'à entrer dans le feu et Allah il va me pardonner. Déjà, si ici-bas, on désobéit pour des petites choses, comment on peut se dire, c'est bon, je vais obéir quand on me dira, je vais entrer dans le feu? Écoutez, qu'est-ce qu'il a dit Ibn Hazm, rahimahullah. Il a dit, dans Al-Ihkam, Fil Ahkam, volume 5, page 686, il a dit, quant à celui à qui la mention du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas parvenue, s'il était monothéiste et croyant, avec son instinct d'une foi valide, il n'aura aucun châtiment et comptera parmi les gens du paradis. Par contre, écoutez bien ça, par contre, s'il n'était pas monothéiste, il comptera parmi ceux qui ont été mentionnés dans le hadith. Le jour du jugement, un feu leur sera présenté. Il leur sera ordonné d'y entrer. Ceux qui y entreront seront sauvés et ceux qui refuseront seront perdus. Allah a dit, nous ne punissons personne avant d'avoir envoyé un messager. Et il conclut en disant, il est donc exact que nul mécréant ne sera puni tant que l'avertissement du message ne lui est pas parvenu. Maintenant, vous devez savoir qu'il y a certaines personnes qui disent, certains savants qui disent, que la preuve, elle a été établie à toute personne. C'est pour cela qu'ils disent que les gens, même s'ils vivent à une époque de rupture, ils vont quand même aller en enfer éternel, parce que la preuve, elle a été établie à tout le monde. Et regardez leur preuve. Leur preuve, c'est pas n'importe quoi. Leur preuve, elle est très très forte. Ils disent, Allah a dit, nous avons envoyé à chaque communauté. Nous avons envoyé à chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du tagout. Qu'est-ce qu'on voit dans ce verset? On a vu qu'Allah ne punit pas un peuple avant de lui envoyer un messager. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'Allah, il nous informe qu'il a envoyé à chaque communauté un messager. Voilà l'argumentation de ces savants qui n'est pas du tout à sous-estimer. Quant au hadith que nous avons rapporté avant de l'imam Ahmed, ces savants-là, ils considèrent que ce hadith, il est faible. Voilà pourquoi ils ne le prennent pas comme une preuve. Et Mohamed Al-Amin Al-Shankriti, dans Adwa Al-Bayan, volume 3, page 153, il rapporte cette divergence. Et il cite notamment que c'est l'avis de l'imam An-Nawawi qu'il a stipulé dans son commentaire du Sahih Muslim. Barakallahu fikum de votre attention. Subhanakallahum wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.